17-16, activation orale, identification et description. C'est, il est. Choisissez la question qui correspond à la réponse que vous entendez. Par exemple, vous entendez... 1. C'est un grand chirurgien. Vous dites... Qui est-ce? Et vous cochez la case correspondante. Ou bien alors vous entendez... 2. Il est chirurgien. Vous dites... Qu'est-ce qu'il fait? Et vous cochez la case correspondante. Ou bien encore, vous entendez... 3. Il est sympathique. Vous dites... Comment est-il? Et vous cochez la case correspondante. 4. C'est un ami de Mireille. C'est un ingénieur. 6. Il est employé chez Renault. 7. Il est ingénieur. 8. Il est très grand. 9. C'est un gros banquier. 10. C'est un grand couturier. 11. Il est acteur. 12. Il est douanier. 13. C'est un professeur américain. 14. Il est très intelligent.